Attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi sur Radio Campus et vous vous apprêtez à écouter sur les 106,6 MHz de Radio Campus, mais aussi sur campuslille.com et même DAD+, Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Au micro aujourd'hui, Didier, Morgane, Quentin et moi-même Florent, aux manettes. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, de la presse, pas pareil. Mais qu'est-ce que c'est? En quoi est-elle différente de la presse dite mainstream? Et d'ailleurs, nous n'allons pas nous limiter à la presse, mais aux médias indépendants en général. Didier, tu peux nous en dire plus? Oui, alors la presse, pas pareil, c'est quand même un concept qui est arrivé dans les années 90 avec des publications comme Pour lire, pas lu. Il y avait aussi le plan B, CQFD. Donc c'est une presse qui se veut indépendante, libre et engagée, hein, donc avec qui ne dépend pas des pouvoirs politiques ou des pouvoirs économiques. Elle ne dépend pas non plus de la publicité, ce qui fait qu'il y a souvent des problèmes financiers qui se posent aussi à cette presse. Elle vit souvent, elle vit de l'argent de ses lecteurs et aussi de dons qui peuvent être souvent faits en ligne. La diffusion est plutôt restreinte et ciblée. Hein. Je prends l'exemple d'un hebdomadaire comme Politis qui ne peut plus paraître en kiosque, mais qui est uniquement sur abonnement. Et c'est une presse qui met l'accent quand même sur des questions démocratiques, sociales et écologiques. Ce qu'il a fait différer, mais ça on verra un peu plus tard sur une presse qui se veut aussi indépendante, mais qui est plutôt de droite ou d'extrême droite. Donc c'est une presse que l'on considère, nous en tout cas, de gauche, avec des valeurs d'entraide, des valeurs éthiques. Et bon, c'est quand même une presse qui s'illustre généralement par ses engagements plutôt à gauche. Alors, c'est une presse qui a toujours voulu se démarquer de la presse, ce qu'on appelle la presse mainstream, hein, c'est-à-dire les grands quotidiens, les grands hebdomadaires qui sont souvent la propriété de 9 ou 10 milliardaires, hein, je ne vais pas les citer. Bon, enfin, il y a Le Monde Diplomatique qui publie régulièrement la cartographie justement de la presse en France, et on s'aperçoit malheureusement que les titres de presse sont souvent entre les mains des mêmes Arnaud, Pinault, Drahi, Bolloré, etc. Voilà, donc c'est aussi une presse militante et sans publicité, en tout cas marchande. C'est comme ça qu'on peut à peu près définir cette presse pas pareille, qui s'est en plus enrichie d'un syndicat de la presse pas pareille dont on reparlera en fin d'émission. Donc on peut dire que c'est une presse sociale, écologique, démocratique et militante. Alors, du coup, est-ce qu'on peut fixer une limite à cette presse pas pareille? Par exemple, Mediapart revendique, je crois que c'était l'an dernier, il disait que si on compte la presse politique, donc si on évacue l'équipe, etc., en termes d'abonnés, c'était le troisième ou quatrième média français. Est-ce que du coup, il y a une limite de taille? Est-ce que c'est vraiment les sujets qui font Il y a une limite de taille, forcément. Enfin, il y a une limite de lectorat, parce que généralement, c'est quand même une presse et des médias qui ont peu de moyens. Donc, c'est difficile. Enfin, leur principale tâche, c'est d'aller chercher des lecteurs, chercher des auditeurs et éventuellement des téléspectateurs. Donc, c'est difficile. Bon, Mediapart est un peu... disons que c'est un média qui est un peu sorti de la presse, pas pareil, parce que par sa puissance quand même et par le nombre de ses abonnés. Mais bon, on estime quand même que la presse pas pareille, c'est une presse qui est toujours un peu sur le fil du rasoir et qui est quand même sur qui a peu de moyens et qui essaye justement de de faire en sorte que de concurrencer les grands médias, mais avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire quand même avec pas mal de handicaps et de difficultés, notamment sur les aides à la presse, où généralement la presse, cette presse pas pareille, ne bénéficie quasiment pas d'aide à la presse, alors que le Parisien aujourd'hui en France ou Le Point croule sous les subventions. On peut penser au Figaro où chaque année, c'est 1 ou 2 millions d'euros d'aide à la presse qui vont à un journal qui dit qu'il faut arrêter les subventions. C'est ça, ouais. Et après, ils vont dire c'est Nicolas qui paye. Ouais, c'est d'ailleurs l'une des grandes injustices que justement le syndicat de la presse pas pareil dénonce, c'est le scandale des aides à la presse qui sont versées essentiellement à la grande presse, entre autres, et ils réclament un statut de journaliste indépendant qui puisse être collectif, qui dépendrait du média et du journal plutôt qu'une carte de presse individuelle. Et puis c'est des médias en fait qui bénéficient d'aides publiques alors qu'ils sont déjà propriétés de milliardaires en fait. Donc, absolument, oui. Mais ça, bon, il y avait, on reparlera aussi des états généraux de la presse qui avaient été lancés par Emmanuel Macron, donc il y a 2 ans à peu près. Et bon, il était question de revoir un peu les aides à la presse, de revoir aussi la question des tarifs postaux, parce que la question des points de vente aussi, parce qu'on ne trouve plus beaucoup de points de vente pour la presse, malheureusement. Et tout ça, ça fait partie des questions qu'on peut se poser aussi quand on parle de la presse pas pareil, parce qu'il y a, bon, il est bien évident que des publications assez marginales comme celles qu'on a citées sont quand même défavorisées sous ce rapport. Et même sur les points de vente, par exemple, il me semble que le relais, maintenant, enfin qu'on voit dans les gares, c'est propriété de Bolloré, si je ne me trompe pas. Les relais, oui, c'est propriété d'Hachette, donc propriété de Bolloré. Ouais. Et bon, il y a un mouvement qui s'appelle Stop Bolloré, là, qui a été lancé par notamment Harry Halimi de la LDH, qui justement dénonçait ça. Il y avait aussi des actions qui avaient été faites sur les kiosques, où on mettait bien en valeur notamment le livre de Jordan Bardella, par exemple, et où la presse qui nous intéresse était un peu reléguée au fond du panier. Alors du coup, tu parlais d'historique tout à l'heure, on parle d'une presse pas pareille qui est des années 90, qui a mon âge à peu près. Ça donne quoi du coup en termes d'événements? En termes d'historique, disons que bon, on ne va pas revenir aux ordonnances de 44 sur la presse, enfin, à moins que tu souhaites en parler. C'était quand même. Vas-y. Je ne l'ai pas exactement sous la main, mais il y avait un devoir de. Pardon. Il y avait un devoir de la presse qui avait été enfreint avant la guerre, et donc il y avait toute une conversion aux puissances de l'argent qui avait voulu être réglée dans les ordonnances de 44, et on a tiré du coup de ces ordonnances les articles suivants. Article 1, la presse n'est pas un instrument de profit commercial mais un instrument de culture. Sa mission est de donner des informations exactes, de défendre des idées, de servir la cause du progrès humain. Article 2, la presse ne peut remplir sa mission que dans la liberté et par la liberté. Article 3, la presse est libre quand elle ne dépend ni de la puissance gouvernementale, ni des puissances d'argent, mais de la seule conscience des journalistes et des lecteurs. Donc on voit des bases quand même importantes et qui sont directement liées à ce qu'on disait avant sur la problématique de la puissance de l'argent. Des bases importantes, mais qui malheureusement ne sont pas appliquées. Les ordonnances de 44 ont rarement été appliquées dans leur totalité, en tout cas. Bon, la presse, on connaît la presse qui est issue de la Libération. Hein, c'est souvent des gros titres comme Le Monde ou Le Parisien Libéré. Ici, dans le Nord, c'est Nord Éclair, La Voix du Nord. Bon, on va pas faire l'amalgame de ces journaux qui sont bien assis financièrement avec la presse pas pareil. Mais enfin, c'est quand même un début sur ce que Quentin vient de dire sur les ordonnances sur la presse, avec donc il y avait l'interdiction notamment à un propriétaire de posséder plusieurs titres de plusieurs quotidiens. On voit que c'est complètement bafoué avec quelqu'un comme Bernard Arnault, qui non seulement possède Le Parisien, mais a aussi et majoritaire principal du journal libéral pas les, enfin, il a aussi les Échos, mais il est aussi propriétaire d'un journal dont le nom m'échappe. Mais enfin, ça, il a trois quotidiens à lui, donc on voit que la loi, en tout cas les ordonnances ont été quand même n'ont pas été respectées. Il y a personne qui va lui intenter un procès pour ça. Donc bon. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Bon, je vais revenir maintenant à l'historique de la presse pas pareil. Bon, j'ai parlé des années 90 parce que les années 90, c'était quand même dans le sillage un peu du monde diplomatique. Il y a eu le plan B, bon, qui était dirigé par Gilles Balbastre ici. Il y avait Pour lire, pas lu, qui était une publication qui s'adressait à un public assez marginal, assez engagé, plutôt libertaire. Il y en a eu d'autres. Bon, historiquement, on peut parler quand même de la naissance de cette presse pas pareille, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. Bon, il y a eu la presse 68arde. Je ne vous parle pas des journaux comme Action, ou qui était le journal du Comité d'Action, ou L'Enragé. Bon, à la suite de ça, il y a eu quand même les éditions du Square qui ont été importantes dans ce genre de presse. Bon, Charlie Hebdo, La Gueule Ouverte à partir de 72, mais aussi Harakiri dans son genre. Et on a vu émerger dans les années 70, au début des années 70, le phénomène de la presse qu'on va appeler de contre-culture, donc avec Actuel, il y a eu Zinc, il y a eu tout, des journaux comme ça. Et également une presse qui était plutôt une presse militante, qui est une presse régionale justement, qui était, on appelait ça des journaux de contre-information, et qui était justement, qui avait pour but de faire un peu la nique aux quotidiens régionaux dominants. Bon, on a eu Le Clampin Libéré par exemple à Lille, et on a eu La Criée à Marseille, Le Postillon à Grenoble, tous des journaux de contre-information qui ont été importants dans à leur époque, dans les années 70. Je signale que Jean-Luc Porquet, qui est quand même un journaliste assez intéressant du Canard Enchaîné, a débuté sa carrière dans Le Clampin Libéré, il faut le savoir. Ensuite, bon, avec la libération des ondes en 80, il y a évidemment eu une presse pas pareille qui s'est tournée également vers les médias, vers l'audiovisuel. Et après, bon, il y a eu quand même des titres à l'international, comme Orient 21, par exemple, ou Courrier International, encore que Courrier International est à la limite, disons, de la presse pas pareille. Il y a eu aussi des hebdomadaires politiques très engagés, mais qui sont pas de la presse militante. Il y a eu Politique Hebdo, par exemple, qui a donné, qui est un peu le grand-père de Politis, qui naît, lui, en 88. Et bon, une presse écologique avec des titres comme Silence, notamment, qui est le premier journal vraiment de la presse pas pareille écologique. Bon, il y a aussi Reporter, il y a aussi tout ce qu'on connaît, Bastamag, etc. Une presse économique avec quand même Alternative Économique, qui n'est pas exactement de la presse pas pareille, et qui se rapproche quand même des critères de cette presse. Et bon, il y a aussi une presse qui fait plutôt dans les problèmes de société comme CQFD ou voire culturel avec des médias comme AOC. Sans parler des médias audio et télé, qui rejoignent aussi le concept de presse parallèle, enfin de presse indépendante, je veux dire. Voilà, donc c'est un bref historique, hein. Et on distingue quand même quelques courants majoritaires, hein, qui sont la critique sociale. Hein, on peut se souvenir que le plan B, c'était quand même son titre, c'était Journal de critique sociale. D'ailleurs, Acrimed, qui est un action sur les, enfin Action critique média, est un peu un journal aussi de critique sociale et de l'audiovisuel, enfin du paysage audiovisuel français tel qu'il est. Il y a la critique écologique qui est quand même très présente dans cette presse, avec des titres que j'ai déjà cités, comme Reporter notamment, ou Bastamag. Et il y a une presse qui est plutôt économique, comme Alternative Économique. Et bon, donc, les rachats, il y a eu aussi, faut savoir que cette presse bouge pas mal, donc avec des médias qui étaient plutôt, presque pas pareils, marginaux, comme Rue 89 qui a été racheté par le Nouvel Observateur, par exemple, ou d'autres comme le Mediapart. On peut aussi parler de Mediapart, évidemment, d'Arrêt sur Image, de Blast, du Média, de la PPV TV, mais ça, je suppose que Quentin ou Morgan pourront en parler mieux que je ne le ferai. Donc il y a vraiment une variété, il y a plein de profils, plein d'époques, il y a des médias de presse pas pareils qui débutent, qui s'arrêtent, qui fusionnent, qui se font racheter. Donc en fait c'est quelque chose de très riche et qui avec le temps devient de plus en plus large. En fait on parle pas juste d'articles, de publications, on peut parler maintenant de podcasts, d'émissions, voire même de médias audiovisuels avec l'ambition du média. C'est très riche et c'est en perpétuelle mutation, quoi. C'est une presse qui est... Bon, il y a souvent des fusions, enfin, des fusions au niveau des fois rédactionnel, ou en tout cas des aides, de beaucoup d'entraide entre cette presse-là. Bon, qui, je pense aussi à Fakir, le journal de notre ami François Ruffin. Bon, c'est quand même une presse qui s'entraide, c'est ça qui est important. C'est pas des médias qui jouent absolument la concurrence comme on peut les voir au niveau des médias traditionnels, hebdomadaires ou quotidiens. C'est une presse qui, ayant les mêmes priorités, les mêmes engagements, n'hésite pas à s'entraider, à échanger des collaborateurs, à échanger des signatures. Et je crois que c'est aussi ce qui fait sa force. Et sa force aussi, c'est l'engagement militant autour de ces journaux-là. Il y a quand même des tables de presse qui sont tenues régulièrement pour des journaux comme Fakir, pour des journaux comme Politis. Il y a toujours des sociétés de lecteurs en général, ça aussi c'est important, quoi. Des lecteurs fidèles qui décident de s'engager pour ces journaux-là. Et c'est aussi une grande force de ces médias qui ne sont pas... Qui luttent toujours pour justement avoir leur surface, avoir leur lecteur, avoir leur place dans les médias audiovisuels. Je pense à une émission comme celle d'Arte, 28 minutes. Bon, il y a quand même un journaliste de Politis qui vient régulièrement, mais enfin, généralement, les représentants de cette presse-là n'ont pas leur ronde serviette sur les plateaux TV. Et c'est aussi... Enfin, je me souviens qu'il y avait quand même quelqu'un qui allait à France Info dans des émissions. Ça arrive, mais c'est des exceptions. Disons que c'est des gens qui n'ont pas vraiment voix au chapitre et dont la voix et les idées sont quand même restées assez médiatiquement, en tout cas peu relayées. Puis c'est peut-être aussi une question de moyens, c'est-à-dire que quand ton média a les moyens de te rémunérer, de rémunérer des assistants, des choses comme ça, c'est beaucoup plus facile pour un journaliste de se libérer, d'aller sur un plateau, que dans une rédaction qui va être plus réduite et où il y a la possibilité de dire que si je me rends à tel ou tel endroit, ben en fait c'est du travail qui ne sera pas fait, etc. Absolument, de toute façon c'est aussi une question de carnet d'adresse, quoi. Je veux dire, les journalistes de cette presse ne sont pas généralement, c'est pas une presse où on met un nom en avant, hein, comme Duhamel ou machin, ou c'est quand même des journalistes qui font généralement... qui sont plutôt anonymes, qui sont connus des lecteurs, mais pas spécialement du paysage audiovisuel français. Et ça leur est parfois difficile, comme tu le dis, de dépêcher un journaliste sur un plateau TV, même si, par extraordinaire, il y serait invité, parce que bon, ça remet un peu en cause les équilibres rédactionnels du journal. Donc, faut savoir que c'est quand même des rédactions qui sont... Je prends l'exemple de l'hebdomadaire Politis, ils sont à peine une quinzaine avec quelques pigistes. Bon, c'est pour faire un hebdomadaire, c'est quand même la taille minimum, quoi, hein. Donc ils n'ont pas trop de temps non plus à passer sur leur promotion et sur des passages éventuellement TV ou radio. On voulait parler aussi des faux amis, Morgan. Oui. Alors, moi, j'ai pris un peu des cas un peu extrêmes. Par exemple, on peut parler de Frontières, en fait. Donc, un journal là clairement orienté droite, extrême droite. Donc, Frontières, maintenant, qui a une édition papier, Au départ, c'était une. Ça a succédé à Livre Noir. Et c'était un peu comme un genre de Finkerview, c'est-à-dire des interviews dans la longueur. Mais là, avec des personnalités franchement ancrées à droite. En fait, dès le départ, la ligne éditoriale, c'était de promouvoir les idées de Zemmour, bon, avec quand même quelques invités qui faisaient la caution de gauche, donc qui y sont allés, notamment Juan Branco et Bigodeau. La ligne éditoriale, donc, ça va piocher clairement dans les névroses de l'extrême droite, le danger du grand remplacement, une diabolisation à outrance de la gauche, de Mélenchon qui va semer le chaos, etc. Une vision assez pro-Kremlin de la guerre en Ukraine, en fait. Et alors, sur ce point, donc, en quoi les points qui vont nous faire dire que c'est clairement des faux amis, en plus de la ligne éditoriale d'extrême droite, c'est... Enfin, je peux parler de déontologie négative. Donc, notamment en 2024-2025, ce média avait publié une cartographie de la gauche. Donc, un peu, on a certains groupes à gauche qui font des cartographies de l'extrême droite, notamment la Horde, cartographie des différents groupuscules. Mais bon, là, c'est un peu du côté de la Horde, c'est un peu référencer les individus armés, dangereux, qui se sont illustrés par des faits de violence, surtout sur les groupes. Parfois les responsables. Là, le truc de frontières, donc leur cartographie, faisait référence. Enfin, c'était donner des informations un peu sensibles sur des parlementaires, les attachés parlementaires, des syndicalistes, des gens engagés à gauche, dont leur nom, leur prénom, parfois leur photo, on peut voir leur adresse, ce qui clairement les met en danger, notamment vis-à-vis des groupes dénoncés par. Par l'ordre, et on peut clairement parler de pratiques de harcèlement sous couvert d'investigation. Notamment un de leurs intervenants, Jordan Florentin, qui, ce qu'il propose, ça va être beaucoup des micro-trottoirs. Donc, en termes de valeur journalistique, c'est quand même très très limité pour être poli. Et qui va essayer de faire des événements, c'est-à-dire de se faire éjecter de manifestations de gauche. Donc d'arriver avec son micro, de dire hey, « Tu me traites de facho, c'est quoi un facho? C'est quoi un facho? C'est quoi un facho ?» Bon, ou d'aller jusque toquer à la porte de Louis Boyard, qui lui a claqué la porte au nez, et d'avoir le vocabulaire de dire « Vous voyez, c'est l'extrême violence de ces gens-là. Bon, » L'extrême violence d'une porte claquée. Voilà, oui. On parle pas de l'extrême violence de gens en cagoule qui arrivent avec des barres de fer. Hein. Et l'autre contre-exemple qu'on pourrait citer, c'est Réinfo Covid. Donc là, truffé de discours pseudo-scientifiques, de fausses preuves, mais en avant des théories du complot, à comparer les mesures de confinement de la population à des aux internements à Auschwitz, ou à prétexter que mettre en avant que les masques anti-Covid seraient toxiques ou que les vaccins contiennent des puces électroniques. Donc là, on voit que le travail de recherche journalistique, quand même, c'est un peu étrange, quoi, pour être poli. Donc du coup, c'est parce qu'en fait, on connaît la tradition de la droite et de l'extrême droite d'écrire des brûlots, des choses qui sont volontairement provocatrices ou qui suivent des lignes antisémites, des choses comme ça. Mais en fait, il y a aussi une appropriation de cet outil d'une presse alternative par l'extrême droite en essayant de se donner un peu un cachet, une patine, c'est ça ? Ouais, c'est un peu ça, puis ça... C'est un peu, on va retrouver un peu la force des théories du complot, de dire moi je vais dévoiler un secret, je vais dire ce que personne n'ose dire. Révélation. Oui. Il y a la revendication du statut de lanceur d'alerte aussi par certains sites, du coup qu'on peut qualifier, qui propagent des théories du complot. On peut penser aussi à CNews quand ils avaient sorti, de dire que c'est vous les vrais résistants, vous les auditeurs, et un petit peu, qui passaient derrière le champ des partisans, je crois, en musique. Oui, il y a un décorum. Dans Les Faux Amis, ça m'est revenu après, donc le journal de Monsieur Arnaud, c'est évidemment l'opinion de Nicolas Bétou, là, qui est un journal ultra-libéral, mais je veux dire, dans Les Faux Amis, on peut aussi... On peut aussi mettre la presse partidaire, la presse politique, qui pourrait éventuellement passer pour une presse pas pareille, mais enfin, elle est quand même inféodée à des partis. Bon, il y a Information ouvrière, enfin, on a connu toute la presse de l'extrême gauche, mais aussi la presse de l'extrême droite, donc c'est... Ça fait aussi partie des faux amis, même s'il y a des quotidiens de parti qui sont devenus des références journalistiques. Mais enfin, en tout cas, ça reste des journaux partidaires qui sont là pour justement, disons, porter la bonne parole de leur parti politique. Oui, on peut penser à l'Humanité qui a encore tout à fait une démarche journalistique avec une rédaction et... mais à contrario, on sait qu'il y a des revues qui se font passer pour de la presse, qui sont plutôt vraiment dans le relais d'idéologie. D'accord. Absolument, tu parles de l'Humanité. Bon, c'est le type même du quotidien qui était quand même l'organe officiel du Parti communiste français, c'est comme ça qu'il s'appelait, oui. Et qui a quand même pris ses distances avec les options du PC, qui est devenu un journal. Intéressant, un journal objectif, hein, qui s'efforce à l'objectivité, tout en étant, en ayant quand même des opinions qui sont assez déterminées. Mais enfin, c'est l'exemple de presse politique, justement, qui est devenu quand même un quotidien de référence. Bah, tu m'offres une bonne transition sur la question de la méthode journalistique. Alors, le sujet est vaste et complexe, demande de la nuance, donc je ne vais pas tout couvrir en 3 minutes, mais je vais donner quelques pistes et exemples de ce qu'on peut appeler une méthode journalistique, et quelques exemples de quand ça marche et quand ça ne marche pas. Le but du journalisme, alors encore une fois, résumé à grands traits caricatural, c'est de rapporter des faits. Si on parle de journalisme politisé à gauche, on pourrait préciser qu'on s'intéresse alors à des faits qui sont trop peu couverts par la presse bourgeoise. Un journalisme politisé, c'est pas le fait de rapporter des faits qui corroborent ce que pense la gauche, c'est de rapporter des faits qui sont trop peu mis en avant, mais on se permet pas d'écrire n'importe quoi, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Du coup, il faut évaluer ses sources, ses informations. On sait aujourd'hui qu'une photo ou une vidéo, il faut le contexte, il faut être sûr que ça raconte pas, que ça sort pas de n'importe où. Et donc, du coup, ça demande du travail. Il faut croiser différents types de preuves, des mails, des photos, des témoignages, ou faire appel à des experts. Et puis encore, on parlait de Réinfo Covid juste avant, il faut trouver les vrais experts, hein, parce que aller demander à un doctorant en littérature de vous commenter le fonctionnement des masques Covid, ça va pas marcher. Mais du coup, faut pas oublier aussi que dans certaines circonstances, on doit quand même reposer de l'information sur la confiance qu'on a aux journalistes. On peut penser aux déclarations anonymes, on peut penser aux off des politiques. Dans ce cas, la seule chose qui joue pour savoir ce qui a été raconté, c'est la confiance qu'on donne à la démarche honnête d'un journaliste. Donc là, ça peut être fragile. C'est des informations qu'il faut prendre avec un certain recul. C'est des bruits de couloir. Et c'est quand même largement utilisé. On peut penser au carnard enchaîné, on peut penser aussi à l'habitude de Matignon et à différents organes d'État de faire courir des informations pour voir la réaction des gens. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va se retrouver aussi proche des sciences sociales. Alors bon, les sciences sociales, c'est pas du tout le même rythme de travail, c'est pas du tout les mêmes objectifs. Mais si on pense à un historien universitaire ou à un sociologue, d'ailleurs, je précise, hein, historien universitaire, hein, parce que les perroquets du roman national qui ont lu 3 livres et qui se déclarent historiens, ben, ils n'ont pas de méthode, justement. C'est un peu ça, le problème. Dans les sciences sociales, on va utiliser des chiffres pour rendre compte d'un événement, on va présenter des témoignages, on va montrer des versions contradictoires d'un événement pour essayer d'atteindre sur la réalité factuelle de qu'est-ce qui se passe. Et du coup, ces enjeux qui sont assez proches du journalisme. On ne va pas juste se contenter de relayer un truc, montrer une photo. On va contextualiser, on va chercher, on va creuser, on va croiser. Du coup, pour conclure, sur la méthode journalistique, c'est aisé de trouver des contre-exemples. Moi, je pensais au Média Le Point, qui en 2022 avait publié une série d'articles du journaliste Aziz Zemmouri, qui a quitté le journal depuis, qui accusait Raquel Garrido et Alexis Corbière de faire travailler une femme de ménage sans papier. L'affaire, c'était une intox orchestrée par Jean-Christophe Lagarde de l'UDI, qui voulait discréditer ses adversaires politiques. Sur le fond, le journaliste a été condamné par un tribunal pour la cause d'une base factuelle lacunaire et d'un manque de volonté du journalisme d'étayer les informations recueillies. Là, vraiment, on est sur du naufrage journalistique. D'un autre côté, on peut penser aux révélations trop peu relayées du Média Blast, qui a révélé des ordres de versement en millions d'euros de la part du gouvernement du Qatar à Bernard-Henri Lévy. Le journal a détaillé une part de la procédure de vérification longue et fastidieuse qui a été nécessaire pour confirmer la provenance et l'authenticité des documents. Il a fallu des traducteurs, des sources diplomatiques, confirmer les postes des personnes impliquées, les timings, etc., etc. À ce jour, malgré les démarches en justice de l'entièreté de service, le tribunal a confirmé la recevabilité du caractère valide des documents et leur interprétation par le Media Blast. Comme quoi, la méthode, ça marche. On vous fait une petite pause musicale. Of the nation. Des blagues, vous nous racontez des blagues 24 heures sur 24, des boucles de blabla. Comment pour que nous donc bien appeler cela de l'information ou bien de la merde en boîte, unis dans la même course, allant boire à la même source. Elle se fout de l'essentiel, veut des flammes et des arcs-en-ciel. Coupable, coupable, sans le moindre doute, est capable du pire pour dorer sa route. On nous fait craindre, on nous fait peur, c'est vrai, même de nous-mêmes. L'information galope et nous, elle nous promène. Encore un domaine où la concurrence est malsaine, où le mensonge et le parjure se répandent sur les chaînes. Allons enfants de la télé, le grand mensonge est arrivé. Contre nous de la propagande, la menace est grande et levée. Allons enfants de la télé, le grand mensonge est arrivé. Comme s'il nous fallait des ennemis pour avancer, comme s'il fallait dominer pour se sentir exister. Les journalistes nous cachent le pire et couvrent l'indéfendable, mais où est la nuance? Tout le monde peint le même tableau. L'Europe serait sacrée, avant-gardiste et raisonnable. Tout est traité dans le même sens, étrange et le mal à bon dos. Jetez un œil sur le dessous des cartes, le dessous des cartes. Soufflez la poussière, vous verrez. L'opinion est résignée, les coupables désignés. L'info fait la promo de ce qu'elle prétend dénoncer. Elle, cette prostituée qui nous régale tous, entasse la thune quand c'est une nous étouffe. On marche sur la tête, surréaliste, quand le voyeur dénonce l'exhibitionniste. Allons enfants de la télé, le grand mensonge est arrivé. Contre nous de la propagande, la menace est grande et levée. Allons enfants de la télé, le grand mensonge est arrivé. Comme s'il nous fallait des ennemis pour avancer, comme s'il fallait dominer pour se sentir exister. Et donc, c'était Dan Akil, Mediatox. Et donc, vous êtes bien sur Radio Campus, 166campusil.com et DAD+, et c'est l'émission Angle d'Attaque. Aujourd'hui, on parle de la presse pas pareille. On va continuer sa présentation, notamment par des exemples plus précis. On commence avec Politis, avec Didier. Oui, Politis, donc, c'est un hebdomadaire qui est né en février 88, pour être précis. Donc, c'était un peu la suite de Politique Hebdo, qui était un journal d'extrême gauche non partidaire. Hein, donc, ça a été fondé par Bernard Langlois, qui était un journaliste plutôt mainstream, puisqu'il a travaillé à Europe 1 et à Antenne 2 notamment. Et bon, ça a été le journal qui a voulu, dès le départ, qui a voulu concilier l'écologie et le social. C'était un peu leur ligne éditoriale. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de... Il y a même quelqu'un comme Jean-Michel Apathy qui a été membre de la rédaction au début. Bon, il y a eu pas mal de mouvements. Le nom qu'on connaît surtout à Politis, c'est Denis Cifer, qui est un spécialiste du Moyen-Orient et de la Palestine, mais qui est aussi très pertinent au niveau de la politique, politique intérieure et internationale. Donc, il y a eu quand même pas mal d'événements qui se sont passés. Donc, Il y a eu plusieurs crises du journal avec des besoins de financement importants. À chaque fois, les lecteurs ont répondu à des appels à dons, généralement défiscalisés avec l'association Presse et Pluralisme. Le journal est devenu une coopérative, une SCIC plus exactement. Donc avec un fonctionnement différent de la presse ordinaire. Bon, ce qui est intéressant à savoir, c'est aussi qu'il y a une association de lecteurs qui s'appelle les Amis de Politis, dont on a modestement une réplique sur la métropole lilloise avec des lecteurs qui se regroupent pour imaginer des projets, des débats publics, des ventes, des salons, etc. Et bon, c'est un journal qui se sent partie prenante de la presse, pas pareil, puisqu'ils ont de nombreux partenariats, notamment avec Bastamag, avec un journal qui s'appelle Regard, qui était aussi un mensuel du Parti communiste, mais qui est devenu quelque chose de tout à fait différent. Donc voilà, le journal n'est plus en kiosque depuis quelques années, malheureusement, parce qu'ils avaient beaucoup plus de frais à maintenir le journal en kiosque qu'à ne pas le mettre. Donc c'est uniquement sur abonnement et je vous conseille, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci. Moi, je vais vous parler d'Arrêt sur image. Donc à l'origine, comme beaucoup doivent connaître, c'était une émission de télé diffusée sur à l'époque la nouvelle chaîne de service public La Cinquième, donc qui a commencé en 95. Enfin, l'émission a commencé en 95 puis ensuite été diffusée sur France 5 en 2002 quand la chaîne a changé de nom. Alors l'émission est créée et présentée par Daniel Schneiderman, alors journaliste au journal Le Monde, et diffusée tous les dimanches midi. Le but de l'émission est de le décryptage des médias. Et donc, il y a des chroniqueurs et journalistes autour de Daniel Schneiderman qui partagent leur regard sur des images parues les jours précédents sur les différentes chaînes de télévision. Et donc, à la fin de la saison 2005-2006, des informations avaient circulé sur un possible arrêt de l'émission. Après quelques semaines d'indécision de la direction de France 5, elle annonce qu'elle maintient l'émission et cependant, en septembre 2006, celle-ci décide la suppression de la rediffusion de la version intégrale non montée sur le site de France 5 et est remplacée par la version montée pour la télévision. En effet, France 5 diffusait donc à la demande des journalistes d'Arrêt sur image, donc elle diffusait la dernière émission sur son site web dans une version non montée qui peut déborder, par exemple, après le générique, où il n'était alors pas rare de pouvoir suivre des discussions se prolongeant quand l'émission est censée être finie. Mais du coup, le 18 juin 2007, la direction de la chaîne France 5 annonce son intention de ne pas reconduire 6 des magazines pour la rentrée 2007, dont Arrêt sur image. Donc on peut le lien entre l'événement que je vous ai parlé d'avant et cet arrêt peut être fait. La chaîne annonce qu'une autre émission à la place d'Arrêt sur image, une émission de décryptage, serait prévue à un horaire éventuellement différent. Il s'agira finalement de revue et corriger une émission présentée dans le style infotainment, diffusée à partir du 15 septembre 2007, et donc rien à voir avec l'objectif d'Arrêt sur image, qui est de l'éducation à la critique des médias. Donc Daniel Schneiderman est alors licencié pour faute grave. Il est notamment reproché d'avoir mené de façon délibérée une campagne de dénigrement à l'encontre des dirigeants de la chaîne du groupe. Et son président de France Télévisions, Patrick de Carolis, reproché de faire pression justement sur son président. Et qu'il insinuait, du coup, le président... que la décision de l'arrêt de l'émission résultait d'une volonté de vengeance. Daniel Schneiderman lance alors un média indépendant, d'abord un blog dès septembre 2007, puis une émission à partir de janvier 2008, s'inspirant de l'émission historique. Donc l'accès de la zone vide dit dans ce nouveau site, nouveau média, la refus de la presse quotidienne est alors gratuite pour les visiteurs et le reste de l'émission et du site est réservé aux abonnés, dont l'émission historique. Et il y a quand même au départ plus de 40 000 abonnés, ce qui à l'époque est inédit. Daniel Schneiderman refuse le financement par la publicité. Je cite, quand on fait semblant de donner quelque chose gratuitement aux gens, on vend toujours une part de leur cerveau disponible à des annonceurs. Donc aujourd'hui, ASI est présenté comme un site indépendant qui déconstruit les récits médiatiques, c'est-à-dire qui font du journaliste sur les journalistes, les médias, les réseaux sociaux, pour que vous compreniez d'où vient l'information, comment elle circule, comment elle est fausse et comment elle est construite. Les abonnés peuvent lire des émissions ou publications pour qu'elles deviennent gratuites. De base, le contenu du site est réservé aux abonnés, mais certains contenus sont donc gratuits. Le prix de l'abonnement de base est de 5 euros par mois. Et vous pouvez aussi avoir un abonnement pour les fauchés de 2 euros par mois, voire 20 euros par an. C'est des tarifs donc assez flexibles, permettant à beaucoup d'accéder au site. Donc en plus de l'émission historique hebdomadaire, une émission est diffusée tous les deux semaines en direct sur Twitch. Pour faire le lien avec les abonnés, appelé Azinote. Donc, c'est une longue émission qui atteint souvent les 4 heures, qui se veut interactive, parce qu'en direct, et donnant davantage la parole aux invités en traitant plus longuement des sujets en rapport avec les médias. Donc, aucun paiement via Twitch n'est accepté, il n'y a pas de publicité. Mais du coup, ils encouragent vivement à s'abonner à Arrêt sur Image. Et en fait, ça, c'est une volonté d'Arrêt sur Image pour ne pas donner de commission à Amazon, propriétaire de Twitch. Sur le site Arrêt sur Image, on a la rediffusion qui, elle, est réservée aux abonnés. Et donc, en parlant de GAFAM, certains d'entre vous se demandent pourquoi le contenu gratuit d'Arrêt sur Image ne se trouve pas sur YouTube. Et donc, c'est intéressant à savoir. La réponse est simple. Parce que s'ils le faisaient, ils se feraient injustement supprimer à coup sûr leurs vidéos, car les émissions diffusent beaucoup d'extraits télé soumis à copyright. Bien que ça soit légal, parce que les journalistes ont le droit à la citation, YouTube utilise des algos pour détecter automatiquement un contenu de la télé. Et du coup, qui automatiquement suspend la vidéo. Il faut alors faire des réclamations pour chaque extrait, ce qui est très énergivore. Et donc, diffuser sur YouTube, c'est se soumettre à cela. Arrêt sur Image n'appartient plus à Daniel Schneiderman, mais maintenant une SCOP. Donc l'entreprise appartient donc à ses salariés journalistes. Schneiderman intervient de temps en temps comme journaliste extérieur ou dans d'autres émissions qui, par exemple, on peut citer Netscape, qui raconte les mythes fondateurs de la culture web, ou d'autres émissions sur le cinéma ou sur les BD. Et on peut citer également le site Hors-Série, qui est une émanation du site Arrêt sur Image, mais avec une ligne éditoriale complètement autonome. Et c'était créé en 2014, Hors-Série. Et donc, c'est un site payant entièrement dédié aux entretiens filmés avec des personnalités artistiques ou intellectuelles. Et pour terminer, pour continuer de parler de lui, Daniel Schneiderman vient de lancer La Presse Libre, permettant, avec un abonnement unique, l'accès illimité à plusieurs médias indépendants. Donc Politis, qu'on vient de parler, Arrêt sur Image, Reflet, Médiacité, Next et les rues 89 qui sont restées indépendants, ceux de Bordeaux, Strasbourg et Lyon. Et d'autres médias vont les rejoindre. L'offre de lancement est à 14,90 par mois ou 9,90 par mois si vous êtes déjà abonné à un de ces médiacités. L'ouverture de la plateforme est prévue mi-octobre et vous pouvez maintenant souscrire et le premier prélèvement sera en novembre. On passe à un autre média. Oui. Moi, j'avais parlé de Mediapart. Bon, même si il a un peu la limite de la presse, pas pareil, comme on avait dit, du fait de leur puissance. Donc, lancé en 2008 par un collectif de journalistes, dont le plus médiatique étant Edwy Plenel, qui avait fait ses armes au monde et a couvert l'affaire Rainbow Warrior. Donc, l'objectif premier, c'était de revenir à un journalisme d'investigation plutôt que du journalisme de validation. Donc, on pourrait comparer du fact-checking, le journalisme de validation. Une rédaction qui vit essentiellement d'abonnements et de dons. On avait le gimmick à un moment d'Edwy Plenel qui disait « Abonnez-vous à Mediapart », ce qu'on voyait un peu sur Internet et dans différentes émissions. Un abonnement qui peut toutefois bénéficier d'une tarification sociale. Et avec l'abonnement vient aussi chaque abonné a accès à son blog, un blog qui est son espace d'expression personnelle en fait. L'une des origines du nom Mediapart, c'était média participatif en fait. Le blog est en accès libre sur Internet, à la différence des articles qui sont évidemment en accès par abonnement. Donc on a une ligne éditoriale clairement marquée, enfin plutôt marquée à gauche, mais ce qui n'empêche pas de critiquer les partis quand ils font des conneries. Notamment, il y a eu un article sur Fabien Roussel qui était paru en 2022 en pleine campagne électorale sur comme quoi il avait occupé un poste fantôme d'assistant parlementaire, ou ce qui ne les empêche pas de parler des rapports, on va dire, houleux entre la presse et les insoumis. Les affaires marquantes révélées par Mediapart, donc l'affaire Sarkozy-Kadhafi, dont ils ont fait un film qui s'appelle « Personne n'y comprend rien ». On peut plus ou moins légitimement penser que c'est un peu qui ont précipité la chute de Sarkozy. L'affaire Cahuzac aussi, l'affaire Denis Baupin, et plus récemment l'affaire Benalla en 2019, et les révélations sur Betarame. D'ailleurs, François Bayrou disait « Par hygiène mentale, je ne lis pas Mediapart ». On peut se dire que si Mediapart colle des attaques à la santé mentale de dirigeants quand ils font n'importe quoi ou sont clairement en cause, c'est qu'ils font du bon boulot. François Bayrou qui avait soutenu la création du journal en 2007. Évidemment. Comme quoi, les fantômes du passé, hein. Ils sont régulièrement la cible de procès Bayon en diffamation. Fin 2023, Edouard Plenel était passé notamment à la Halle au Sucre à Lille. Il avait expliqué que sur les quelques dizaines de procès qu'ils avaient eus, ils en avaient à l'époque perdu que 5. Donc voilà, on peut passer à... Mais moi, je vais passer à Acrimed, on en a déjà parlé un petit peu. Donc Acrimed, c'est pour Action Critique Média. À l'origine, c'était un observatoire des médias né du mouvement social de 1995 contre la réforme des retraites et du système social. Je vais finir par croire qu'on vit en boucle le rêve d'un économiste néolibéral. Enfin, son rêve à lui, notre cauchemar. Mais bref, Acrimed cherche à mettre en commun des savoirs professionnels, théoriques et militants au service d'une critique indépendante, radicale et intransigeante des médias. C'est un bon programme déjà. Leur production est intégralement tournée vers l'observation et la critique des médias mainstream. Si on sent que quelque chose ne va pas dans le traitement d'une actualité, vous aurez souvent un article pour en parler sur le site d'Acrimed. De plus, le travail est toujours très carré. On est dans des analyses quantitatives, un minutage des temps de parole, des citations directes en contexte. On peut imaginer l'effort que ça doit être d'ingurgiter autant de contenu médiatique dans l'objectif d'en construire une critique d'un système. Moi qui suis rendu fou par 10 minutes de CNews, je leur tire mon chapeau. Tous les articles de leur site sont en accès libre et ils éditent une revue papier et numérique trimestrielle qui s'appelle Média Critique. Des membres de l'association ont aussi écrit des ouvrages comme Les médias contre la rue en 2021 aux éditions Adespot ou bien l'ouvrage mis à jour régulièrement Les médias contre la gauche dont la dernière édition signée par Pauline Perrenot date d'avril 2025 aux éditions Hagelin. Acrimed participe aussi à tenir à jour avec le monde diplomatique, on en avait parlé un peu plus tôt, une carte des propriétaires de médias. Enfin, depuis l'an dernier, Acrimed coproduit une émission avec le média Blast qui s'intitule Quatrième Pouvoir. Ce sont des tours d'horizon souvent assez larges, de vidéos de 30 minutes à 1 heure, de dérives médiatiques comme le traitement du conflit israélo-palestinien, les candidats chouchous à la présidentielle, la complaisance avec l'extrême droite. Bref, que ce soit en papier, via des articles de production vidéo, je vous invite à découvrir ce que fait Acrimed. C'est très riche, très intéressant, ça permet de prendre du recul sur les médias. Didier, je te rends la main. Oui, alors moi, je vais parler rapidement de l'EGPI, des EGPI. Donc, il y a eu d'abord les états généraux de la presse. Donc, c'était par Emmanuel Macron. Donc, bon, j'en ai déjà parlé un peu. Il n'y a pas des mesurettes qui sont sorties, mais enfin, c'était pas vraiment... ça n'a pas révolutionné le monde de la presse. Et par contre, il y a eu les états généraux de la presse indépendante qui ont été lancés par un journaliste de Médiacité, qui s'appelle Jacques Transeau, notamment ici sur Lille. On a eu un débat, c'était à l'École supérieure du journalisme, on a eu avec des syndicalistes de la presse, avec donc des acteurs de la presse locale, et aussi des journalistes de la presse pas pareil locale, comme la Brique ou d'autres, voilà, donc ils se proposaient de favoriser, enfin d'essayer de militer pour cette presse indépendante, pour que justement les Français et les Françaises ne soient pas informés que par le journal de TF1 et les quotidiens ou hebdomadaires qu'on connaît, qui sont quand même largement, qui véhiculent la pensée unique. Donc c'est une initiative qui est à encourager et qui est en tout cas à faire connaître. Ouais, je vais vous parler rapidement donc de Basta, anciennement Basta Mag. Donc c'est un média pure player indépendant qui a été lancé en France en 2008 et qui traite de l'actualité économique, sociale et environnementale. Il est entièrement gratuit et financé sur les dons et subventions. Et une partie du site, appelée le portail des médias libres, est une mine d'or. C'est un hub qui sélectionne les nouvelles publications d'un nombre important de médias indépendants, médias qui peuvent être gratuits ou payants. Alors, il est en ce moment en maintenance, il va rouvrir mi-octobre sous le nom de Portail des médias indépendants, se présentant comme le fil d'info 100% presse indé, coups humains par les journalistes de Basta. On a hâte. Et en parlant de hub, pensez également à utiliser des agrégateurs de flux RSS ou Atom. Donc, ce sont des applications qui permettent d'être notifié à chaque nouvelle publication de contenu sur des sites que vous suivez. C'est une manière de suivre un média sans passer par Facebook, Twitter ou Instagram, pour ne citer que cela. Morgane ? Oui, je vais parler rapidement de Blast, donc fondé en 2021 par... à l'initiative de Denis Robert, ancien journaliste d'investigation qui avait couvert l'affaire Clearstream notamment, qui a ensuite participé à la rédaction de Le Média avant d'en être écarté. Donc c'est principalement une web TV, même s'ils sortent des articles écrits. Quentin avait parlé d'affaires de financement de, enfin comment dire, financement du Qatar, pas enfin vers BHL. En intervenant plus connus, on a Salomé Saké, Paloma Moritz, Bruno Gatio, un ancien des Guignols, fait partie des auteurs. Ils ont également un modèle se fondant largement sur des dons et font des appels à financement participatif. Pour moi, leur grande force, c'est une diversité des émissions. Alors, il y a des... ça parle d'investigation, etc. Mais aussi, c'est le cas des sujets plus culturels. Donc, on peut parler notamment de l'émission Planète B, qui va parler de science-fiction, en fait, de... comment les auteurs de science-fiction ont déjà imaginé les sociétés de contrôle, que ce soit dans des livres, mais aussi au cinéma ou dans les jeux vidéo. On a par exemple Corporate, animé par les youtubeurs Bolshegi, qui est le fils de pub, donc sur comment le monde dans l'entreprise influe sur la culture, la société, donc notamment un épisode où ils ont parlé de comment Doc Martin est devenu un élément de marquage à la fois des skinheads et des punks, mais aussi un épisode sur les écoles de commerce. Et pas comme Thielman, qui essaye de faire une histoire populaire de la France, en fait, dans sa série L'Empire n'a jamais pris fin. Parfois, attention à la méthodologie historique, mais à partir de la saison 2, il est accompagné d'historiens, en fait, pour valider un petit peu. Allez, moi je vais présenter très rapidement Au Poste parce qu'on est un peu en retard. Au Poste, c'est un média indépendant fondé par David Dufresne depuis 2021. David Dufresne, qu'on ne présente plus mais que je vais présenter un peu, qui est un journaliste, écrivain, réalisateur, qui a une longue carrière dans les médias et qui a toujours gardé son côté garage rock, indépendant et intéressé par la question de la police. Donc Au Poste, c'est né d'une chaîne de streaming sur Twitch, épaulée par Blast à son lancement. Il y a eu un chemin parcouru pour arriver aujourd'hui à un média diffusant principalement des émissions en live, c'est des conférences, des interviews, une couverture d'événements, une matinale et même une émission en plateau en collaboration avec Mediapart. Le ton est libre, il y a toujours un côté un peu bricolage qui fait son charme. Et surtout, l'idée de David Dufresne, c'est de faire un média interactif où le chat sur les émissions live participe aux questions et aux remarques, mais aussi beaucoup d'émissions en public avec la possibilité donnée au public de poser des questions aux invités. Il y a d'autres intervenants aussi au poste. Ça blague, ça parle de ce que la police fait à notre société. Il y a des petits ratés. En soi, ça vaut le détour. Tout le contenu est en accès libre, en live, en rediffusion ou en podcast. Comme pour d'autres médias présentés aujourd'hui, au poste, ça vit de dons. Alors du coup, ils s'amusent. Ils ont les abonnés, les donateurs. Du coup, ils disent qu'il faut s'adonner au poste. Donc voilà, si cette introduction vous intéresse, je vous invite à vous y intéresser. Didier. Donc, on va conclure, ouais. Puisque donc, moi, je vais simplement parler du syndicat de la presse pas pareil, ça existe. Hein. Un syndicat qui fédère 40 médias, hein, dont la plupart qu'on a déjà cités, qui est sur une ligne anti-répression, donc qui défend des journalistes victimes de répression policière, de mutualisation des moyens, de mise en commun, pour une presse émancipatrice, et il milite essentiellement pour la transparence des subventions perçues par les journaux, Il milite pour une carte de presse collective, donc qu'il ne soit plus individuel, et il milite surtout pour un statut du journalisme indépendant. Oui, moi je pense qu'on a un écosystème de médias indépendants qui est très riche dans le pays. On a souvent des médias qui sont fondés par des journalistes qui ont été évincés ou dégoûtés des plus grands médias. On peut penser par exemple aussi au média Les Jours, qui a été fondé par des anciens de Libération. Il y a aussi des médias qui sont spécialisés. On peut penser à Street Press, qui va surtout parler de manifestations et de tout ce qui se passe dans la rue, de culture alternative. Et donc se pose, comme toujours, comme on refuse les puissances de l'argent, la question du financement, ça reste au cœur et c'est des choses sur lesquelles... on a des syndicats qui se fondent, on a des offres pluriabonnement, il y a plein de choses qui vont faire que ça va pouvoir se solidifier et monter en puissance. En tout cas, on vous invite à aider cette presse et à l'aimer quand on la lit. On passe aux actualités d'attaque. Oui. Alors, on va commencer par le local. Donc, tout à l'heure, à 15h à la Mresse, donc, il y a Prédateurs en Afrique et Empereur médiatique. Donc, comment combattre le danger Bolloré? Un débat mis en place par l'AMD, les amis du monde diplomatique et survie. Donc il y aura Jean-Baptiste Rivoire et Jean-Jacques Lumumba. Je ne sais pas si c'est parents avec. Enfin bref. Ensuite, il y a un colloque sur Karl Polanyi, un penseur pour aujourd'hui. Donc ça, c'est le 14 octobre, une conférence organisée par les amis du monde diplomatique également. Et le jeu de loi des étudiants de Sciences Po. Donc Polanyi est connu pour son livre « La grande transformation », paru en 1944, dans lequel il défend l'idée forte que le travail, la terre et la monnaie ne sont pas des marchandises. Et le conférencier sera Nicolas Postel, donc un universitaire de l'Université de Lille, et auteur également de Karl Polanyi, paru aux presses universitaires de France. Donc la conférence aura lieu au Grand Amphi de Sciences Po à 18h le 14 octobre. Le 27 septembre, c'est l'association, la Forum des associations du bénévolat à Lille, donc au Grand Sud, de 10h à 17h. Et il y a une réunion aussi des soulèvements de la Terre le soir. Le 28 septembre, c'est la marche des résistances, justice, climat, liberté. Donc nos amis de Greenpeace, par exemple, partout en France, comptent avoir du monde dans la rue pour les marches des résistances, pendant que des milliardaires et des entreprises polluantes s'allient avec l'extrême droite et s'enrichissent avec la complicité du gouvernement. Nous subissons les conséquences d'une crise sociale, écologique et démocratique sans précédent. Les reculs sociaux et environnementaux se généralisent, les inégalités se creusent, les attaques contre nos droits se multiplient. Donc aujourd'hui, nous devons exister tous ensemble, dit à raison Greenpeace. Le mercredi 1er octobre à 18h, c'est réunion de l'association Le Choix à Sciences Po, donc pour le choix de mourir dans la dignité. Et ça nous amène à un procès qui est intenté à Bernard Sonnet, un ancien un militant d'attaque, donc cette semaine à Paris le 12 septembre. 12 personnes de 70 à 90 ans sont en procès. Leur crime, avoir commandé aux USA le pentobarbital, un médicament létal pour les chevaux et non autorisé pour les humains. Heureusement, si on peut dire, la police américaine veillait, voilà nos vieux malades, au tribunal grâce à la diligence de notre parquet. Donc parmi eux, Bernard Sonnet, médecin qui a toujours dit ouvertement, y compris à France 2, s'il pratiquait l'euthanasie comme soin ultime. Bernard a été membre d'attaque, on le répète, et le chemin est long pour une mort choisie. On continue avec le 4 octobre, donc à 15h, à la salle polyvalente de la Bourse du Travail, un hommage à Jean-François Martel, le fondateur du Top Théâtre, bien connu des milieux militants. Et le 6 octobre, 1001 territoires de la fraternité, initiative de la Ligue de l'enseignement. Donc il y a une réunion pour décider d'initiatives locales. Et le 14 octobre encore, Cinéma l'Univers, Alliance terrestre, c'est sur les mobilisations contre l'A69. Eh bien, le National, je vais faire ça en une minute. On me rappelle que Attaque National soutient le mouvement Blocoutou, qu'un autre budget est vital, que vous pouvez retrouver sur le site internet des argumentaires sur la dette pour contrer la rhétorique du gouvernement. On vous invite aussi le dimanche 21 septembre à rejoindre des manifestations nationales pour l'arrêt immédiat du génocide en cours à Gaza. On vous informe que l'Alliance écologique et sociale, dont Attaque fait partie, propose une campagne nationale pour la rénovation écologique du bâti scolaire et pour le combat pour le fret ferroviaire. Donc on retrouve encore des alliances entre l'écologie et le social. Et on s'interroge, même si j'aurais pas le temps de l'évoquer en détail, mais de la récente publication de la Cour des comptes qui pointe de l'effet négatif de la gratuité des transports publics. Ce sera peut-être un sujet qu'on mettra en débat pour les municipales, parce que c'est important de se poser la question des transports gratuits dans les métropoles. Et pour terminer, cet après-midi à 15h à la Mresse, il y a un débat sur De l'Empire en Afrique à l'Empire médiatique d'Hermon Bolloré. Donc nous restons un peu dans le sujet d'aujourd'hui. Hein, donc c'est une rencontre co-organisée avec les amis du monde diplomatique et l'offensive. Donc merci de nous avoir écoutés. Hein, on se retrouve le 18 octobre pour une nouvelle saison d'Angle d'Attaque. Bon week-end, bon après-midi à vous. Bonne journée. Bon week-end.